Aujourd'hui, pour l'avant-dernière émission d'assemblage requis de la session, Simon Fitzbé nous parle des sandwichs au beurre de peanuts et bananes d'Elvis Presley dans sa chronique Police Dead. Mais peut-être qu'en fait, l'émission ne mourra pas et sera en fait sur une île déserte. Assemblage requis, mercredi, 15h.